mwasi teo balobilanga tomoni eteo naluki na bakomina namoni teo batininga na bajournaliste na pesa nose balukelanga ah Caroline mama oh moi c'est façon. Thank you.